Yeah, yeah. Je sais, tu voudrais qu'on soit et qu'on s'appelle souvent. Mais bébé, je suis dehors, la monnaie, pense à toujours avant. Me prends pas la tête, je te rappelle, je viendrai ce soir, on sort. Quand je te vois, oh my god, que ma belle, t'es mon diamant. Yeah, I want you all night. Mais je serai quand même en retard. Ton cœur me fait les plans phares. Pour nous, c'est jamais trop tard. Je m'en veux, garçon, bang, house, babe. Essaye de faire les choses bien. Toucher mon cœur, ça c'est mortel. J'donne une fois, pas deux fois. Fais attention, tire pour moi, soutiens-moi. Viens avec moi, oui, tu comptes pour moi. Always on ça, baby, don't stop. Nous deux, c'est la folie. J'prendrai soin de toi, j'sais faire que ça. Nous deux, c'est la folie. Je sais, tu voudrais qu'on soit et qu'on s'appelle souvent. Mais bébé, j'suis dehors, la monnaie, pense à toujours avant. Me prends pas la tête, j'te rappelle, j'voudrais ce soir, on sort. Quand j'te vois, oh my god, t'as pété mon charme. Je sais, tu voudrais qu'on soit et qu'on s'appelle souvent. Mais bébé, j'suis dehors, la monnaie, pense à toujours avant. Me prends pas la tête, j'te rappelle, j'voudrais ce soir, on sort. Quand j'te vois, oh my god, t'as pété mon charme. We are going to witness the most anticipated match in the history for the heavyweight championship of the world. Let's get ready to rumble. Let's go. Police veut savoir ce que je fais dans la vie. Pourquoi j'ai 10 000 sur moi dans mon jean? Soirée privée, mes fils sont sur la liste. Non, je vais pas trop vite, ma vie est rapide. Big man, baby, on les a mis. Dis ce que je pense et je pense que je dis. Y'a personne qui bégaye, j'assume toute la ligue. Ok, ok, ok, ils sont tous dans ma cible. On reste pas, on vise dans le mid. Jamais. On fera toujours la loi, nous ici. On fera toujours la loi, nous ici. Always. Mais faut baiser la vie. La manche, le donne si c'est rendu aussi. Watch out. Papa dit aux autres que t'es mon ami. Jamais. Si tu dis rien quand il faut plus aller. Auto, je suis sorti du bando. Pour faire les dollars, les euros. Maîtrise le game comme Nintendo. Oui. Le diamant viendra après l'euro. L'euro. Le diamant viendra après l'euro. Bling, bling. Passe le salam à tout le monde. Dealer, j'ai les clés de la vie. Gaki. Bien si ça sort le chez nous. Bébé, j'ai la marchandise. Baby. Ok, ok, ok. Ok. On est rentré, rentré, rentré. On fait quoi? On va rester, rester, rester. Oh, oh, oh. Ah, what's up, let's go. Faut baiser la vie. Police de savoir ce que je fais dans la vie. Pourquoi j'ai 10 000 sur moi dans mon jean? Big man, baby, on a jamais.